Mr. Carlton dans la maison, Andy Man dans la maison, Lottie McFly dans la maison. On t'a dit ce soir ça, Mr. Carlton dans la maison, Andy Man dans la maison, Lottie McFly dans la maison. On t'a dit ce soir ça. À Paris ce soir ça pète, à Bordeaux ce soir ça pète, Millionnaire ce soir ça pète, en Valrina ce soir ça pète, à Genève ce soir ça pète, à Bruxelles ce soir ça pète, à Marseille ce soir ça viens te poser à ma bleuta, te donne même pas l'heure. Je vais te dans un quart d'heure. Mr. Carlton est dans la maison, Andy Man est dans la maison, Lottie McFly sont dans la maison. On t'a dit ce soir ça pète. Mr. Carlton est dans la maison, Andy Man est dans la maison, Lottie McFly sont dans la maison. On t'a dit ce soir ça. On Marseille pas nous.